vendredi 19 mai. Et attendez, là, vous vous demandez, est-ce que ça risque d'être aussi déjanté que la semaine dernière, le 12? Hey, on avait de la misère, là. Ça tricotait plus que serré. On voyait plus de lumière. J'espère qu'il va se relaxer le tympan, puis l'imaginaire, puis il va nous envoyer un beau chemin, mais sans trop de direction. On lui souhaite un parcours simple et tranquille, comme le chantait Serge. Quoi qu'on sait, on sait pas, on sait jamais. On sait jamais le moment où on va déraper, car si je nous saigne, mis au nid à pire. Ça commence bien, là. Tu changes les paroles quand tu connais pas. Tu dis, j'aime, puis là, le public qui la connaît, la chanson. C'est un manque de respect. Faut respecter. Respectez tout. Mais pas trop, là, parce qu'à un moment donné... Oh, en parlant de respecter tout, nous respectons que le... Est-ce qu'on peut respecter une journée? Ou si on respecte juste les humains, les animaux? Nous sommes des animaux, mais en tout cas, le genre humain. Hein? Encore une interrogation qui ne sera jamais dévoilée au grand jour. Heureusement que c'est une mission nocturne, là. Parce que si on mettait tout ce qui est sombre au grand jour, eh monsieur, il n'y aurait plus de place le jour. Il faudrait inventer un autre moment. Il y a le matin, le jour. Le soir, la nuit, ça dépend, c'est vrai, on peut disperser ça comme on veut, mais grosso modo, il y a le jour et la nuit. On s'entend là-dessus? Il y a juste deux choses, le jour et la nuit. Là, après ça, c'est comme l'enfance, on peut dire la petite enfance, l'enfance, le jeune adulte, l'adulte, bon, et dégénérer de même. Il y a des peuples qui sont plus évolués que nous, même s'ils n'ont pas Internet, même s'ils n'ont pas de télévision HD, même s'ils n'ont pas de radio, même s'ils n'ont rien d'autre que la nature, ils passent des rituels. C'est intéressant, les rituels. Faut pas oublier ça. Si tu es un homme, va-t'en dans le bois, ramène-nous un tigre mort, là. Sinon c'est le tigre qui va te ramener. Non, ramène un tigre, non, un ours. Un ours, c'est plus tranquille. Es-tu malade, toi? As-tu déjà rencontré un ours? Mon homme. À part lui, là, non. Quoique, je l'ai jamais rencontré, mon homme. C'est un restaurant de mes rapides pour les gens qui n'ont pas de référence, là. C'est pas important. Mais non, j'ai pas rentré. À part mon ours en meluche, que je sers. Dans des boîtes, parce que t'en as plusieurs, parce que normalement tu sers un ours dans une boîte et non pas dans des boîtes. Oui, mais le mien, c'est parce que je veux pas non plus vous dérouter encore avec ça. Dérouter. Je vais pas vous dérouter avec ça, mais j'ai des ours imaginaires. Pas juste un ours en meluche. J'en ai dans ma tête. Puis quand t'en as dans ta tête, t'es mets où? Mais je les garde dans ma tête. Il y a des tiroirs. Je les place dans mes tiroirs dans ma tête. Oh! C'est important. C'est très important. Mais aussi, c'est important de vous dire que nous sommes le 19 mai 2017. On peut vous dire de monter le volume et de humer la différence. C'est la première fois que tu conjugues le verbe humer. Parce que tu dis normalement, monte le volume et hume. Ah oui, mais là, humé. Humé, tu dors. Humé, c'est parti. Mon kiki. Québec. Tire le générique par la langue. Et il te répondra par sa bouche et sa radio. Québec. Hey, sa radio. Eh oui. Québec. Bref, comment ça, on a entendu une introduction? Oui, parce que je me suis trompé de... Pour me compliquer la vie, règle générale, le générique, je le place sur le A, parce que j'ai deux platines numériques. Mais là, je me suis donné un défi que j'ai raté. Je l'ai placé sur le B. Mais comme le tic nerveux veut que je presse sur jouer du 1, ben, c'est un autre générique qui a fonctionné. C'est celui du cinéma. Pour les gens qui connaissent mon émission, vous savez ce que c'est que le générique du cinéma? C'est le moment où je fais jouer des chansons que je relate ou que je parle d'un livre, d'un roman. Un livre, c'est un roman, ça? Ben oui, un livre ou un disque. Mais souvent, c'est des chansons qui racontent des histoires, comme un roman, comme un film. Mais là, est-ce qu'on peut faire partir? Oui, on peut faire partir, quoi, des tâches? Oui, enlève-toi donc. Merci. 19 mai 2017. Québec. Monte le volume. Montez le volume et humez la différence. C'est parti, mes kikis. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Oui! Pas mal, hein, de commencer comme ça? Oui! Quoique, t'as commencé il y a longtemps. Oui, je sais, je me suis accroché sur le générique. Il y a des gens qui s'accrochent sur autre chose, mais moi, c'est le pied qui m'a collé. Ils n'ont pas parti. Parce que là, c'est fini l'hiver, c'est fini les plaques de glace. C'est rendu des plaques d'asphalte. Des belles plaques d'asphalte cachées. Mais les plaques, non, elles ne sont pas cachées, mais entrecoupées. Ou malheureusement, alignées à travers des nids de poules. Ces nids de poules-là ne sont pas toujours évidents. Tu les vois souvent à la dernière minute. Puis tu te demandes pourquoi ils ont appelé ça des nids de poules. Moi, j'aurais appelé ça des nids d'autruche. C'est gros. D'où vient l'expression nid de poule? Les poules mettent place de la paille. Pourquoi les gens qui font attention à nos routes, attention, c'est un grand mot au Québec, là, faire attention. Tu sais, quand tu es rendu aux États-Unis, quand ta voiture roule dans l'harmonie, quand tes pneus caressent l'asphalte, embrassent, lèchent, french l'asphalte. Ici, là, peut-être de parler. Puis, hein. Heureusement qu'on peut pas. Arrête-le, heureusement. Mais pourquoi on devrait présenter des émissions de radio avec un micro fixe en roulant? Je ne comprendrai pas grand-chose, là, comme à mon émission. Mais moi, je suis assis sur un banc de clous. Il faut souffrir. Il faut apprendre à souffrir, là, parce que la vie, c'est ça. C'est souffrance. Imaginez-vous dans une voiture, là. Vous parlez comme ça, puis là, vous essayez de rester avec votre idée fixe, quoique dans mon émission, moins t'as d'idées fixes, mieux c'est. Plus tu laisses le sac s'évaporer, un peu comme une descenteur, plus tu humes, comme je le disais, la différence. Oui, mais là, tu parles de différence. Mais c'est ça, les nids de poule. Expression étrange que je ne comprends pas encore. Souvent, je me place devant ce trou dans la rue. Je me penche, je le regarde. Je me pose la question. Qui a trouvé le terme aussi insipide que je viens de vous dire depuis 2-3 minutes? pourquoi il n'y a pas quelqu'un, un poète, qui n'a pas trouvé une métaphore? Parce qu'il y a quelque chose à sortir de ça, là. Avant tout, il faudrait boucher ça. C'est important de boucher. Mais on bouche mal parce que ça se reproduit encore. Là, on dit, ah, ben c'est l'hiver, hein? Quand on ramasse la neige, là, les charrues, ils déposent pas légèrement là, sur le sol leur gratte. Ils laissent tomber ça. Pouf! Donc, ça fait des fissures. Ces fissures-là, à un moment donné, sont ramassées par un gratteux qui cherche à gratter. Avez-vous des loteries? Je veux gratter, moi. Parce que pendant tout l'hiver, je le fais à l'extérieur. Mais là, après, là, au mois de mai, il n'y en a plus trop de glace, de neige. Fait que je veux pas perdre le taux. Je veux gratter. J'ai fait un peu d'argent, puis je veux le dépenser, là. Impôt volontaire. J'aime ça, là. Moi, être volontaire, oh mon Dieu, non, merci. On m'a demandé, voulez-vous être volontaire pour aller dans d'autres pays où règne le tumulte? D'autres pays où règne le tumulte, tu veux dire dans quel couple, là? La semaine dernière, je parlais des planètes. Chaque personne est une planète. Chaque personne est une planète. C'est pour ça qu'il y en a certains ou certaines où on ne veut pas trop placer les pieds. Ils viennent décocher le micro. C'est pour ça que ça fait un bruit de... C'est pour ça que ça a fait, ça fait... Ah, OK, mais pas besoin de le dire. Les gens ne le savaient pas. Quand tu ne le sais pas, ça fait pas mal. Oh, ça fait pas mal. Pourquoi est-ce que c'est... Est-ce que tout ça doit amener la douleur? Mais quoi, tout ça? Doit-on tout expliquer? Ben pour être moins, j'allais dire, niochon, pour être à l'affût. À l'affût de... Ben, à l'affût de tout. On n'en sait jamais assez. Quoique, on peut aussi décortiquer, hein? C'est ça qui est intéressant, puis c'est ça qui amène bien des idées folles. Un jour d'inventer l'école, qui a eu cette idée folle? C'est de trouver une fausse raison à quelque chose. Par exemple, ben, t'as-tu un exemple? Ben oui, c'est ça, j'essaie d'en trouver une. Un qui tient la route, parce que si ça ne tient pas, ça va déraper. Et si ça dérape, bien, ça risque de faire des fracas, du fracas, un fracas, des fracas, un fracas, un fracas. Connais-tu fracas? Fracas Brisebois. Ce cher fracas s'est acheté une ferme. Un gars de la ville qui s'achète une ferme. Oh! Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans les supermarchés qui vont courir pour aller chercher ses légumes et ses fruits. Il ne connaît pas ça, lui-là. Là. C'est l'aventure. Il veut changer de vie. Mais il m'a dit, pour m'encourager, « Ah, mais hey, attends un peu, moi, c'est une longue réflexion. Hein. Je suis allé à la bibliothèque, là, mais j'ai pris des livres et je me suis instruit, là. » Jean de Fleuret, le gars de la ville, Gérard Depardieu, qui veut se lancer dans l'univers de l'agriculture. Quand tu ne connais pas ça, ah, le livre, puis là, il va chercher ses bouquins. Puis normalement, toujours normalement, règle générale, oh, c'est mieux ça, règle, mais c'est plus long, hein, règle générale. Puis là, quand tu écris, dépendant si tu veux faire une nouvelle ou un roman, tu choisis le mot. Nouvelle, tu dis général. Mais nouvelle, mais roman, tu peux quand même enrober tout ça. Parce qu'il faut que tu noircisses des pages. Oh là là là. Mais Gérard Depardieu, ce qu'il voulait, c'est de faire comme les campagnards. Récolter autant qu'eux. Mais sans que les parents, les grands-parents, lui inculquent. Donc, c'est à travers les livres, à travers la littérature. Là, les campagnards, voyons, il connaît pas ça. En résumé, c'est ça, mais Pagnol a pas fait dire à ses personnages, il connaît pas ça, là. Non, parce que de un, ça vient du sud de la France. Donc, l'accent est très prononcé, très intéressant, très beau, très chantant. En fait, c'est du... comment tu l'appelles, donc? C'est du Zebda. Le groupe français Zebda. Tu les entends parler? Ils ont un vocabulaire et surtout un chant. Une musicalité au niveau de l'accent. Puis, il y a des gens qui nous disent, hein, quand on va ailleurs, dans d'autres francophonies, « Ah, oh, le Québec, oh, vous êtes coloré. » Coloré, je suis toujours habillé en noir. Mais là, comment, où tu vois la couleur là-dedans? De un, c'est un ton. De deux, c'est le toton qui est dans un ton. Double ton, triple ton. Triple ton, ben oui, c'est un ton. Le noir est un ton. Et celui qui porte le ton noir, c'est un tonton. Qu'est-ce qu'un tonton? Ça peut être un oncle. Ou un cabochon. Un synonyme de tonton. Cabochon. Trouve ton rang, mon rénal! Ah, oh, mais là, moi, c'est... moi, j'ai jamais été dans des fermes à part les fermes où on m'a invité. On m'invite pas souvent. Parce qu'il paraît que quand je rentre là, dans un poulailler, là, il se passe des affaires, là. Les poules sont toutes frétillantes, puis ils cherchent à faire des œufs lapidaires. Oui, ils lapident. Ils ont trop de pets qui ressemblent à des... comment elles s'appellent? Des tronçonneuses, non? Des mitrailleuses. Ça fait... Comme les vaches laitières, tu dois pas faire trop de lait, sinon t'es malheureusement pénalisé. Fait qu'imagine-toi la poule qui fait quand elle me voit. Parce que je suis un verbomoteur. Elles veulent rivaliser avec un verbomoteur. Elles veulent en créer, elles aussi, des œufs, là. Puis le coq est là, il n'en revient pas de voir ça de même. Il a jamais vu ça de même. Il se dit, je reconnais plus ma poule. Propriétaire des poules lapidaires. Lui, ce qu'il souhaite, c'est j'espère qu'elle va pondre l'œuf en or, l'œuf qui va me faire arrêter ce travail très difficile. C'est vrai que c'est difficile. 365 jours par année, travailler très tôt le matin, très tard le soir, parce que après que les animaux et donner ce qu'ils avaient à donner, ben, ces pauvres fermiers doivent regarder, examiner s'ils vont bien, ces petits poilus. Est-ce que tu... Mais non, parce qu'une poule, c'est pas poilu. Mais les miennes non plus, là. Poilu ou... Plumeux. Ah, c'est le temps est plumeux. Oh, ils annoncent la pluie. Le temps est plumeux. Comme la poule. La météo, là, c'est quand même assez étrange que l'on ait des canaux spécialisés. Parce que ces canaux-là sont même pas branchés à sa réalité. Combien de fois... On te dit en direct, là, c'est en direct. Tu vois un soleil et la dame dit « Oh, beau soleil à Québec! » Puis tu regardes dehors, il pleut! Voyons donc! Ça, c'est un métier que je ne voudrais pas faire. Hey, tu te fais arrêter dans un supermarché, tu te fais arrêter au restaurant, tu te fais arrêter partout dans la rue en disant « Hey, vous avez prévu, là, vous avez prédit! » Hey, comme des voyantes puis des voyants. Vous avez prédit du beau temps là, pendant mes vacances. Je vous ai écouté, puis il y a eu de la pluie, bord en bord, bord en bord, du Québec au Népal, du Népal au Nebraska, du Nebraska à Bay James, de Bay James à Kanapisco. Ben, Kanapisco, c'est pas loin de la Bay James, là. Ça l'embrasse, là. En tout cas, il a fait de la pluie. Il a fait de la pluie, qui ça? Le ciel! Oh, le ciel a fait de la pluie. Là, je me suis acheté un livre de recettes. Comment faire de la pluie? Plus je lisais, plus je m'appuyais. Je dis, voyons donc, comment, là? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il croit? Il pense pas, mais qu'est-ce qu'il croit? Ils font rentrer la science là-dedans. Moi, je sais pas comment acheter ça, là, ces morceaux-là, là. Comment faire de la pluie? Je me suis tourné vers le peuple qui nous a mis au monde, qui a défriché la terre avant qu'on les prenne, malheureusement, pour les retirer. J'ai rencontré des amis indiens qui m'ont tout dit. Arrête tes livres, arrête tout ça, regarde le ciel. Le ciel est un livre. Il dit tout. Voyons donc, il dit tout. J'ai bien beau regarder. Mais oui, c'est ça, arrête. Enlève tes lunettes de blanc et utilise ton regard sans aucune complaisance, ton regard vierge. Et monsieur, fait longtemps, moi, là. La virginité, non. La virginité du regard. Étonne-toi de voir l'oiseau. Étonne-toi de voir le papillon. En un mot, étonne-toi. Exactement, étonne-toi. Bon, comment s'auto-étonner? Oh, ça, c'est important, c'est difficile, là. Comment s'auto-étonner? Aucun livre le divulgue. Comment s'auto-étonner? Oui, bien beau chercher, tu ne trouveras pas. Est-ce qu'il faut avoir un permis pour s'auto-étonner? Et comment ça? Mais auto. Oh mon Dieu Seigneur! Auto pour toi-même. Auto pour toi-même. Je ne peux pas la prêter, ma voiture. Non. Non, ça vient de toi. Ça vient de toi, de l'intérieur. Quand tu regardes, puis-je en toi. Puis je t'entends, ben je t'entends, puis je veux plus t'entendre. OK. Ah, oh, c'est gentil, mais c'est... L'émission va prendre en cours lorsque nous aurons stagné. OK. Alors, on doit stagner? On doit passer à la musique? On doit reposer nos tympans? Non, mais ton histoire d'Indien, ben oui, regarde le ciel. Le ciel est rempli de connaissances. Tout est écrit dans le ciel. Là, je parle pas des astrologues, là. Ta carte du ciel, là. Oh, mon Dieu. On est loin de ça. Sors à l'extérieur. Ou même de ta fenêtre, si tu peux pas mettre le pied dehors. Mettre le pied dehors. Il y a bien des prisonniers qui aimeraient ça. Bien des prisonniers qui voudraient sentir l'air. Le vent. La pluie. Hey, c'est vrai, hein? Je me mets souvent dans cet état-là. Pourquoi avoir peur de la pluie? Pourquoi se cacher derrière sous un faux toit que l'on appelle un parapluie? Laissons-nous la chance de communiquer, de communier avec l'eau qui nous descend dessus. Descend dessus de ça. N'ayons pas peur. C'est juste de l'eau. Tu vas sécher. T'as le temps de sécher. L'eau de pluie, l'eau de vie. L'eau de vie, l'au-delà? On ne sait pas. Ça, c'est l'eau de vie, l'au-delà. On va réfléchir à ça. On va essayer de comprendre ce que tu n'as pas voulu dire. Hein? J'ai tout dit. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches. Où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Song doesn't Angel Olsen. Et pour terminer, Blood Orange. Sang orange. Ouais, quand t'as le sang orange, là, c'est le temps peut-être de réfléchir à ce que t'as mangé la veille, ou ce que t'as bu la veille, ou surtout, peut-être, la première question qui devrait t'arriver avant même de savoir ce que t'as mangé ou bu, suis-je humain? Puisque j'ai de l'orange, du jus d'orange. Non, c'est pas Joyce, Orange Joyce. C'est Blood Orange. Mais pourquoi j'ai le sang orange? Le groupe, sans doute, répondra à notre question avec sa chanson. Call it all for nothing, but I'd rather be nothing to you than be a part of something. Of something that I didn't do. I can't be the only one. Who can be the best to you? Be the best to you. I can't be the only one. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action! Cinéma. Aujourd'hui, le vendredi 19 mai 2017, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée. Ah oui! Oui, oui, avant de nous laisser sur la chaussée, là, on va chausser. Très important. Non, on peut se dénuder les pieds. Se dénuder les pieds? Ben oui! Enlevons les bas, les hauts, les bas. Et marchons sur les mots. Est-ce que ça fait moins mal marcher sur les mots que sur les clous ou le verre? Le verre. Le verre qui? Le verre vert ou le verre... le verre cassé. Con cassé! Il y a tellement de cons qu'on peut bien les casser. Alfred de Musset disait, « Enfin, je vais dormir. » Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, mais je lis des citations. Francis Blanche. Sur sa tombe, il a fait écrire « Laissez-moi dormir. J'étais fait pour ça. » Et non pas comme on le raconte. Je vous le savais bien. Je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Ce qui aurait été pas mal non plus. On n'a pas compris ce que... Non, Francis Blanche. Tu connais pas Francis Blanche? Il était comme neige, lui. Blanc comme neige, Francis Blanche. Il n'avait pas peur de ses mots, il n'avait pas peur de ses idées, il n'avait pas peur de dire que sur sa tombe, il avait fait écrire « Laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça. » Et non pas comme on le raconte, tu sais, les bigotes, les squins. Au Québec, c'est les squins, si on se réfère à Albert Laberge, un écrivain québécois des années 50-60. Livre intéressant, très répétitif, mais très intéressant. Mais là, on parle de Francis Blanche. On racontait qu'il avait fait écrire « Je vous l'avais bien dit que j'étais malade. » Si on n'a pas de référence, on ne peut pas comprendre. « As-tu tes références, mon Rénal? Je les ai oubliés au vestiaire. Oh non! As-tu ton numéro pour aller chercher la référence? Oh mon Dieu! J'ai-tu le numéro gagnant? Ben, pas gagnant, mais le numéro pour aller chercher. Chercher quoi? Ben, la référence! Oh, non, non, on va la laisser au vestiaire. OK. C'est toi qui décides, mon champion. François Sagan. Son épitaphe, un peu humoristique, résumé ici. Qu'elle a dirigé elle-même. Son apparition en 1954 avec Bonjour Tristesse fut un scandale mondial. Sa disparition ne fut un scandale que pour elle-même. Puis au niveau économique, elle a laissé derrière elle beaucoup d'arrière-âge et beaucoup d'argent à payer. Ben oui, elle s'est endettée. Et c'est la progéniture de Mme Sagan qui doit verser la somme. Ouh! Oh! Ouais! Qui t'a dit ça? Les Ouidir! Tu n'as entendu parler de Ouidir? Ben oui! Ouidir est passé la semaine dernière pendant que je me préparais un bon café moulu. Plus moulu que ça, là, c'en est gênant. Puis Ouidir m'a dit, je vais t'en prendre un petit café. J'ai dit, non, s'il prend ça là, lui là, il va stresser comme l'émission. Puis, il sera pas parti avant demain, là. J'ai dit à Ouidir, non, écoute, j'ai changé de direction, je prendrai pas de café, moi, là. Ben, il dit, voyons donc, t'étais prêt? Ben, je suis prêt, mais là, ben, je me sens de moins en moins prêt. Oui, dit, on va boire de la limonade, mon oui, dit. On se prend deux gros verres de limonade, on parle, on rit, puis oh, ben, il m'a raconté des affaires, là, mais il dit, hey, oui, dit, OK, ah! Ça passe des belles soirées avec oui, dit. Si vous voulez l'inviter, là, écrivez-moi. Bon, vous dites, mais je vais vous inviter. Je ne vous inviterai pas, moi, mais vous l'inviterez, lui. Il est sortable. Bon, il est très sortable. Il est propre de sa personne. Il sent même le rénal numéro 5. Une nouvelle flagrance qui va prendre son essor en 2010. Mais voyons donc, c'est déjà passé 2010. Ben oui, mais c'est ça. C'est le compte à rebours. Connais-vous ça, le compte à rebours? Ben, je connais ça. Oui, mais 2010, ça fait déjà 7 ans. 17 ans, non, 7 ans. Exactement. Donc, on est avant notre temps. Mais non, tu m'as dit que, voyons donc, flagrant, c'est 2010. Rénal numéro 5. Y a-tu des chiffres là-dedans? 2010, numéro 5. La senteur était déjà là avant qu'elle arrive. Donc, on est d'avant-garde. On a toujours été d'avant-garde. Bien là, c'est pas vraiment. Pas vraiment d'avant-garde, celle-là. Ce que tu nous racontes là, ça a été fait avant. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Non, mais oui, je sais, mais ça a été en catimini, caché. Personne ne savait, à part deux, trois personnes. On préparait la chose pour la propulser en 2020. Ah! Oh, tu voulais, il fallait nous le dire. Ça a pris 10 ans. Ben oui, ben là, je comprends, là. Le public attendait aussi, là. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Il s'imaginait encore, c'était un superfuge, il dérapait comme moi. Faut donner tes références. Là, ça me fait du bien, là. Ça éponge ma goutte qui me tombait du front, là. Bon, OK. Alors, flagrant, rénal numéro 5, c'était, ça s'est placé en 2010. Ça a évolué, mais en catimini. Pis si vous voulez aller en catimini, c'est juste en hélicoptère. Hein? Ah, mon Dieu, la fusée, elle ne fonctionne plus là-dessus. Parce qu'ils ont tellement creusé, parce que hein, ça atterrit par le nez, ces affaires-là. Ça a creusé, puis on est presque rendu au noyau. Les intraterrestres sont en train de scier ça, le nez, les nez qui se sont rentrés là-dedans. Fait que là, en catimini, parce qu'ils aiment ça dire ça, catimini, ça s'est préparé, ça s'est mélangé, là. Ça s'est. C'est comme un enfant, là. Un fêteux. Ça a évolué pour arriver en 2020 au moment fatidique. Au moment où. On va lancer le rénal numéro 5. On va le lancer par la fenêtre. Non. Dans les circuits médiatiques. Et mon Dieu, c'est quoi ça? Mais c'est tout ce qui nous amène l'information. L'information est partout. Ah, mon, c'est comme Dieu. Non. Ça existe moins, ça, là. Aujourd'hui, Dieu, c'est l'information. Ah, mon Dieu, c'est machiavélique. Ah oui, ça a des cornes. Puis ça rentre mal dans les tuyaux. Ça déchire les circuits. C'est de là que la psyché crève. Et quand ça crève, ça meurt. Puis quand ça meurt, bien, ça ne revient plus. Ça dépend des croyances. On respecte tout ici. Dominique Bourse, et monsieur, c'est un grammairien. Hé, on le connaît. Comment ça, c'est pas Grévis? Bien là, il n'y a pas juste Grévis, là, c'est Dominique Bouhours! B-O-U-H-O-U-R-S. Bon, pour les puristes, ils disent, hey, il massacre notre grand Dominique. Ben oui, mais grand Dominique, moi, je. Grammarien, pour moi, c'est un grammarien. À part Grévis, grammarien, il ne me dit rien. Pas un grammarien, c'est un grammairien. Mais rien du tout ne sera lâché ici ce soir, sauf sa phrase à Dominique qui dit « Je vais ou je suis en train de mourir, les deux formules sont correctes. » Le gars, hein, avant de mourir, ça c'est un puriste, là. C'est un gars là, qui cherchait la faute partout. Puis, oh, ouais. Il reste quelques secondes avant de trépasser. « Ah, mais je vais ou je suis en train de mourir. Les deux formules sont correctes. Allez, ça passe à la postérité, ça passe aux douanes. » Dominique repose en paix. Il est mort depuis longtemps, récemment. Il est encore vivant. À savoir, est-ce que c'est la dernière phrase qu'il a dit avant de mourir? Ça serait intéressant. Mais non, c'est sur l'épitaphe. Mais ça ne le dit pas, la phrase ne le dit pas. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes à Errance Rénaldienne et qu'aujourd'hui, le vendredi, bon, il va aboutir le 19 mai 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires en manque de notre de direction. Embarras les emballons familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon alter ego pour la dernière fois ce soir, car la semaine dernière, le 12, nous lui avons laissé la place. Aujourd'hui encore, le 19, Laurent Demartini, qui est un photographe de l'humanisme, un photographe du cœur et aussi un musicien. Et comme la semaine dernière, l'environnement musical sera effectué par notre ami Jean Leloup. Bonne émission. Et ça commence. Ça a commencé depuis minuit, mais ça continue jusqu'à 2 heures. Bonne route. I'm a rock giving in the air. I'm a bomb for you. Hello. Hello. I'm a firefighter. Set the world to rock and find the sky. I wanna be like this rocket thing. I'm a tiger. Le nouveau quartier j'inaugurais, il y avait des possibilités. Comme d'habitude, j'avais trop bu. Comme d'habitude, je m'étais perdu. Encore et toujours irresponsable. Encore et toujours irrespirable. J'ai tant aimé Virginie. Je suis un homme fini. Tout est fini, tout est fini. Je suis un homme fini. Tout est fini, tout est fini. Dans une avenue, je m'habituais. Je me sentais bien chez moi. Il y avait plein de jolis endroits où je m'asseyais en pensant à toi. Il y a un parc où je vais souvent. Je m'y couche comme sur un divan. J'ai pas installé de jolis bancs. Je m'y couche comme sur un divan. J'ai tant aimé Virginie. Je suis un homme fini. Tout est fini, tout est fini. Je suis un homme fini. Tout est fini, tout est fini. Je m'installais dans une avenue, je m'incrustais. On commençait à parler de moi. Les policiers commençaient de s'occuper de moi. Je devenais de plus en plus important. Je devenais la cible des grands. Et c'est pourquoi encore je vais déménager. Vas-tu réussir à me retrouver? J'ai tant aimé Virginie. Je suis un homme fini. Je suis un homme fini. Tout est fini, tout est fini. Je suis un homme fini. Je suis un homme fini. Je suis un homme fini. Je suis un homme fini. Donc, ça me plaît, ça. C'est... Au niveau, autant au niveau formel qu'au niveau intellectuel, qu'au niveau affectif, nous sommes des itinérants. Mm. On essaye de... On essaye... Trois points de suspension. On essaye de tout. On essaye tout. On tente et on fait des erreurs et on reprend notre chemin. Nous sommes dans l'errance. Une vie est une vie d'errance. J'espère en tout cas mener une vie d'errance. Je pense pas qu'elle soit jouissive et qu'on puisse en rire en fait. Je pense que ça reste un cheminement, c'est fait de choix difficiles. Franchement, il n'y a pas une seule journée où je ne souffre pas. Et pourtant, tout le monde pourrait me balancer, mais pour le coup, c'est ton choix de vie. Oui, mais ça ne veut pas dire que mon choix de vie n'est pas un choix difficile à assumer. Non, tu vois? Non. Je veux dire, tu peux assumer d'endosser un choix de vie difficile. Ouais, je veux dire, c'est ton... La facilité n'a pas vraiment de but non plus. C'est, tu deviens confortable lorsque tu es dans cette situation. Est-ce que je peux envoyer un texto pour mon travail d'après? Okay, moi, ça ne gêne pas par rapport à tout ça? Okay. Je suis désolé de te couper, mais comme on est parti sur 1000 à l'heure, Il nous reste à peu près 15 minutes de discussion. Okay. Ah, super, okay. Ah, ça va vite, alors tu veux peut-être me poser tes questions après. Non, mais vas-y. Ok, attends. Thank you, bye. Ouf, ça va partir dans tous les sens. Pas de problème. Oh, putain. Alors. Je m'isole un peu. Ok, oui, pas quand même. Ce soir, les deux demi-finales. Bah, les demi c'est mercredi et la finale c'est samedi prochain. Alors, t'es prêt à poursuivre ou si tu veux j'attends un peu? Il reste 15 minutes. Je peux fumer une petite clope. Ah, mais c'est pas ici. Tranquille. On a le droit, mais au Québec, on n'a plus le droit de fumer à côté d'un bar, à côté d'un endroit public. Ouais. Mais j'osais pas fumer, mais j'ai vu que les personnes. Ah, ok, ouais. Ben, ça, c'est bien d'être responsable et d'être attentif à ce qui se passe autour de nous. Ah, ouais, ben il faut. Ben moi, j'ai ma cigarette électronique. Oui, j'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ben oui, je l'ai sorti tout à l'heure. Ouais, je pompais, ouais. Si tu étais une langue. Une langue. Respire entre les mains. Tu sais ce que j'aimerais bien? Là, je sais pas. Enfin, j'ai eu une idée comme ça. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est pour pouvoir parler avec. Avec mon chat. Ok. Voilà quoi. Tu peux parler autrement qu'avec les mots. Je sais. Je le fais de mille manières différentes. Mais des fois, tu vois, comment t'expliquer? J'ai vraiment une tendance à. J'ai une relation particulière, tu vois. Elle peut rester sur moi 3h30 en étant là. On peut se regarder les yeux dans les yeux. Elle me touche. Et tu vois, je lui parle, mais des fois, j'aimerais bien qu'elle me parle. Je voudrais parler le chat. C'est ça? C'est ça? Ouais, ou sinon je suis pas très bon en langue. Tiens, ça c'est aussi pour. Une langue féline. À part le français, je suis pas très bon. J'apprends le corse. Okay. Je le comprends depuis que je suis tout petit. La musique corse, c'est merveilleux. Hein. Les voix corse. Ah, magnifique. Il y a un album de Jacques Dutronc où il reprend deux chansons corse. C'est hallucinant avec la chorale corse. D'accord. C'est ouf, dans les années 90. Si tu étais une époque. Bonjour. En tout cas, je sais une chose, c'est que j'ai pas l'impression d'être de cette époque. Il y a quelque chose qui est. Que je ne comprends pas en tout cas. Et pourtant, Dieu sait que. J'ai réfléchi. Je sais pas. On a plusieurs vies. Hein. On traverse certains les époques. Voilà. Moi, je le pense en tout cas. Voilà. Je le pense. Si tu étais un mot. J'aurais envie d'être mon petit mot fragment. C'est le nom de mon projet, c'est le nom de mon groupe de musique. Et c'est un peu ce qui me reflète bien parce que avec la photo, les mots, la musique, ça donne plein de petits fragments. Au final, qui je suis et qui je suis, c'est pas très important. Je pense que je suis pas si différent de toi, pas si différent des gens là. Sauf que d'une certaine manière, je l'exprime, je me permets de l'exprimer. En tout cas, j'ai ce besoin viscéral de l'exprimer. Et si ça parle à d'autres gens, tant mieux. C'est intéressant. J'ai une nouvelle que j'ai écrite il y a quelques années. C'est 12 fragments symboliques d'une vie foutue. C'est plusieurs personnages qui relatent leur incapacité à poursuivre leur vie. Hein? J'ai écrit ça quand j'étais étudiant à l'université. Alors, fragment symbolique d'une vie foutue. Des contes de la folie ordinaire. Oui, exactement. D'accord. De Bukowski. Ouais. Exactement. J'adore. Ouais. Okay. Même si tu as la version poche, la photo qui représente le roman, c'est extraordinaire. Tu iras voir sur Internet. C'est oui. des fesses oui, avec moi. Oui, je me souviens. En plus, Bukowski et fesses et alcool, ça va très bien ensemble. Si tu étais un aliment. Hein? Un aliment. Bon, c'est compliqué tout ça. Hein? Instinctif. Une figue alors. Pour Vérifier des trucs. Hein? Pour vérifier des trucs. Pourquoi pour vérifier des trucs? Ben, je sais pas. Je sais pas, une figue. Non, une figue. Oh, une figue. Ah, je pensais une figue. Okay. Un aliment, tu m'as dit, pour goûter. D'accord. Ouais, c'était marrant, tu m'envoyais sur un bon terrain. C'est parce qu'il y a autre chose qui va suivre après. Parce que je connais mes questions, ok. Ok, une figue, mais pourquoi une figue? Parce que ben, chez nous en Corse, il y en a plein. Ouais. Et la figue, c'est un fruit qui prend le soleil. Sa peau se craque difficilement. En tout cas, elle garde toute son humidité, en fait. Quoi. C'est un fruit très, très résistant. On n'est pas loin de la figue. Si tu étais une saison. Une saison à le printemps. Je sais pas. Franchement, tu sais quoi, si je devais dire qu'il y a une saison qui me donne vraiment l'envie de... Enfin, quand je dis l'envie de créer, c'est que c'est une saison qui, pour le coup, me vient me chercher dans l'intime à plein d'endroits. Là, c'est l'automne. Voilà. Peut-être la petite mort des saisons. Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai exprimé exactement, je l'ai écrit exactement de cette manière-là, petite mort. Mais en même temps, comment t'expliquer? Dans ces petites morts, quand il y a de la mort, d'accord, il y a toujours de la vie. Il y a la renaissance. Oui. Et donc, voilà, c'est pas... Il faut savoir, au final, il faut savoir gérer, surtout quand tu veux vivre de ça. Sachant que, honnêtement, quoi, tu crois que je peux monnayer ma caboche? Est-ce que tu crois que je peux dire qu'une de mes photos vaut tel prix? Ah, voilà. Que... Mais tu crois que j'en suis capable, sérieux? Alors, qu'est-ce que tu fais lorsque tu proposes à quelqu'un d'acheter une photo? Comment ça fonctionne? Oh, les gens viennent me... Ben, tu vois, là, je suis en train de... En fait, comment t'expliquer? J'ai besoin de gens. C'est un métier, je pense. C'est pas leur demandes moi, comment quoi. Ça vaut? D'après toi, comment ça vaut? Tu demandes à la personne qui veut l'acheter. Today you're walking this terrible city thinking about all you mess in your life. Your house is paid and your wife is not gone and you got a new family car. Yes, today at 9 o'clock in the morning you understand what you are, poor, cheap and dumb. This is the moment the devil chooses to finally appear to you. Hey you, don't you wanna be rich? I want you to be rich like me. The devil is leaning on his golden car, holding a big cigar between his teeth, whiter than white. Yes, you're afraid, but it snaps his finger and then appear. 6,066,066 cents. Hey you, don't you wanna be rich? I want you to be rich like me. Errance rénaldienne sur CKRL-NF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Le soleil brille à Barcelone, un Américain file long, il ne sait pas ce qu'il attend. Au coin de la rue, en rentrant, qu'il est loin de mon pays natal, je dis la grosse suédoise qui vient de se faire braquer par un négro sur rue des assassins. Le soleil fait chauffer la place, où se retrouvent tous les paumés. Aux touristes font des grimaces, les chiens, les chats, les pèses, les masses. On a cherché les extasies, mais c'était vraiment hors de prix. On s'est rabattu sur l'absinthe. À Barcelone, ciao. La déche maintenant, je prends du vin. Elle m'a laissé sur le carreau. La déche maintenant, je prends du vin. Elle te rend les toxicos. Sont vraiment fiers de leur képi. Ça va vite et puis patatrac. T'as reçu un coup de matraque. Les pompes sont réutilisables. Se disent les gamins qui s'amusent à se lancer des gros cailloux. À Barcelone, à Barcelone. Ciao! À des chemins quand je prends du vin. Elle m'a laissé sur le carreau. À des chemins quand je prends du vin. Elle est allée voir les toxicos. Pour aller rejoindre les toxicos. Une fille qui s'endort dans un bar, ses cheveux traînant dans la bière. Se sent comme une serpillière. Se sent comme une serpillière. J'ai trouvé quelqu'un pour la photo qui peut m'aider. Voilà, qui est extérieur à moi, mais qui aime vraiment ce que je fais et qui le ressent. Et qui met un prix sur ce que tu fais. Comment ? Il met un prix sur voilà. ce que tu fais. Voilà, elle peut se permettre, elle, de mettre un prix de moi. Okay. Par contre, je vais te dire quelque chose, la musique, je l'ai rarement fait payante. Mais à partir du mois de septembre, soyons honnêtes. On a toujours l'impression... Moi, je travaille 7 jours sur 7. Je travaille 15 heures par jour. Je dors entre 3h30 et 5h30 par nuit. D'accord ? Je suis tout le temps en travail. Ou par jour, on sait pas. Ou par jour, la nuit. C'est souvent la nuit, moi. Okay, bah, okay. Souvent, tu m'as vu, quand j'ai conversé avec toi, c'était souvent très tard dans la nuit. C'est ça, alors tu dors pas la nuit ? Non, parce que la nuit... La nuit, c'est beau. La nuit, c'est silencieux. La nuit, jamais. La nuit, je peux ouvrir les fenêtres et regarder ma rue calme. La nuit, chez moi, en ville, j'ai l'impression d'être au village chez moi, tu vois, quasiment. Il y a de la vie, la nuit. Il faut la capter, il faut savoir la comprendre. Puis c'est... Moi qui ne suis pas très silencieux, c'est silencieux. Voilà. Je suis énormément dans le silence. Je suis quasiment tous les jours seul et tout. Donc je suis dans le silence quand je photographie. Je suis dans le silence aussi. Je suis énormément dans le silence. À part quand je chante, quand je pose les mots, que tu vois, je fais des trucs. Christophe adore la nuit. Oui, je sais. Ouais. J'aime Christophe aussi pour ça. Tu sais, il y a des liens comme ça. Comme là, par exemple, on arrive tous les deux, puis je me rends compte que t'es un putain d'errant et que j'en suis un putain, et qu'au final, ça pourrait durer toute la journée, ouais. toute la soirée, ouais, et que voilà, quoi, tu vois, je dis, on le sait. Oui, c'est pas ça le problème. Et au final, tu m'as... Tu, qu'on s'est trouvé, dans le sens où tu m'as trouvé. Oui. Et moi, il me semble, alors je t'explique comment je fonctionne en règle générale, je suis tout à fait honnête avec toi, c'est qu'en règle générale, quand on me demande quelque chose, je googlise de suite la personne et je regarde ce qu'elle fait. Si rapidement, en fait, les choses me parlent, j'ai dû voir tes fragments, j'ai dû voir que c'était une radio libertaire, surtout je le savais. Ouais, surtout un Québec, ouais. Surtout la radio libertaire qui m'a plu, en fait. Parce que je me suis dit que pour une... Tu verras dans l'avenir, là j'ai communiqué par photo, mais à l'avenir je vais plus prendre la communication par la musique, et il y a des choses aussi politiques qui vont sortir et tout, mais comme je te le dis, il faut d'abord vivre intrinsèquement, prendre des coups pour pouvoir avoir, pour pouvoir après le recracher d'une certaine manière, qu'il soit déjà, qu'on ressente d'une certaine manière que d'une ça a été un petit peu vécu. Arthaud, tu comprends ce que je veux dire, Arthaud, Antonin Arthaud, j'adore. Antonin Arthaud disait, vous verrez mon corps actuel se modifier en 10 000 fragments notoires, un corps neuf où vous ne pourrez jamais m'oublier. C'était l'introduction de mon générique d'émission il y a 10 ans. Antonin Arthaud. Oui. Si tu étais un membre corporel. Un membre? Ah ouais, des yeux. C'est un membre. Ouais, bah ouais, ouais. Ah ouais. Oui, oui. Est-ce que si tu étais un moment de la journée? Ah bah la nuit, hein, tu le sais, la nuit. Ouais. Moi, tu sais ce que j'adore. J'ai travaillé 28 ans de nuit, moi. C'est vrai? Ouais. 28 ans de nuit. J'en ai 50. Putain. Mm. Ah ouais, d'accord, ouais. Mm. Je suis né en 66. D'accord. Eh ben, tu vois, la nuit, elle porte bien, moi, je trouve. Non, on comprend bien des choses la nuit. J'ai côtoyé des putes, des junkies la nuit. Je travaillais dans un établissement où on les accueillait, puis... Ah, c'était pas à la radio que t'étais! Je fais de la radio aussi, je fais plein de choses. J'écris de la poésie, j'écris des récits, je fais des œuvres radiophoniques, je fais plein de choses. Alors, il faut pas attendre que quelqu'un soit uniquement une seule... Un seul mamelon. Alors je vais t'appréhender dans ta complexité. Je vais aller m'intéresser sur tout. Tu sais ce que j'aime dans le premier rapport, le premier contact, c'est comme quand j'ai vu la dernière fois cette personne qui s'intéresse, enfin qui peut m'aider dans la photo. En fait, je me suis pas intéressé à cette personne. C'est-à-dire que là pour le coup, je l'ai même pas googlisé parce que je trouve que d'arriver et d'être dans une découverte vraiment sur l'instant de l'autre. Alors toi, tu me connais un peu. Toi, t'as bien fait ton taf, je le vois, quoi. T'as bien géré, quoi. T'as bien géré. Mais moi, au final, toi, je t'ai posé des questions, tu m'as pas répondu. C'est un phénomène, c'est quand dit, même. Je t'ai dit, tu me diras comment ça va se dérouler. Et là, je sais pas comment ça va se dérouler. Mais voilà, je l'ai compris. Les gens qui parlent d'interviews, je fais pas des interviews, moi, je fais des entretiens radiophoniques. On parle. Tu vis un moment. Oui. C'est, Gainsbourg disait, les mots amènent les idées. Je ne sais pas où on s'en va, c'est les mots qui vont nous amener. Ah, mais ça me plaît trop, voilà. Mais je l'ai compris. En fait, je dis, il ne me répond pas, le salaud. Parce si, qu'il, non, jamais. Parce que ça, ben, ça va avancer en roue libre. En fait, ça me dit rien. C'est les mots qui vont me dire quelque chose. C'est la réflexion de l'autre, c'est du ping-pong. Ping-pong narratif. J'adore. Où on peut aller. Puis, c'est super, Rénal. On va défricher si on peut défricher. J'adore. On va aller plus loin si on peut y tendre. On n'est pas obligé, mais si tu étais un membre corporel. Les yeux, on se l'est dit. Ah oui, les yeux. Si tu étais un moment de la journée, le soir, la nuit, si tu étais un autre individu. Un autre individu. Franchement. Enfin, je sais pas comment ça va me laisser paraître, mais moi j'ai envie de continuer ma vie, j'ai envie d'être moi en fait. Je suis content d'être moi. Ah, je suis content. Ouais. On se construit petit à petit tout. Et je veux dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est les 39 années qui me portent. Voilà, t'as tes blessures, t'as tes moments. Heureusement, c'est ce qui nous porte. T'as tes racines, t'as voilà. On a des branches, des feuilles. Non, moi je suis content d'avoir. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. À choisir, est-ce que tu fais la même chemin? C'est la dernière question. Je peux m'exprimer alors? On s'exprime, non? Oui, tu t'exprimes depuis tout à l'heure. Je dirais que enfin en tout cas pour ma part, après je parle pas pour les autres, pour moi c'est, ça reste quand même une vie de sacrifice. Donc qui dit sacrifice, c'est des blessures ouvertes, c'est des gens que tu côtoies, qui font un bout de chemin avec toi, que tu ne côtoies plus, des gens que tu perds de vue, c'est une astreinte, c'est quasiment être 24 heures sur 24 toujours en réflexion cérébrale. Ou existentiel, d'une certaine manière un déséquilibre. Et pour équilibrer tout ça, je vais te dire honnêtement, moi en tout cas, parce que je pense que je suis quelqu'un de sensible et que j'ai envie d'être compris, et j'ai envie de comprendre l'autre aussi dans sa complexité, mais j'ai envie qu'on me prenne aussi dans ma complexité. Ça demande du temps aussi, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans une société où on peut se permettre ça, d'être dans le temps, tu vois, c'est le luxe. Alors, je t'ai parlé de tous les sacrifices, de toutes ces petites choses-là, mais, t'as bien fait la transition, on a du temps. Et ce temps-là, c'est quand même un temps où on peut réfléchir à soi, à ses contemporains, un regard sur le monde, et on en a besoin vu que c'est notre matière première pour accoucher de textes, de mots, de musique, de sensations, de ressentis, et pour être dans la réalité, dans son monde, quoi. Moi j'ai envie d'être dans mon monde, ça c'est sûr, et j'ai l'impression d'y être, hein, je peux te le dire vraiment, quoi. J'ai l'impression d'y être. Écoute, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi. Laurent, nous sommes des spécimens et nous sommes des marginaux, restons-le, et amenons notre différence encore, implantons notre différence, parce que il le faut. Il le faut. Merci beaucoup. Merci. Et je vais prendre des photos, puisque lorsqu'on fera notre émission, mon émission, ben, il peut qu'on là, on se voit. D'accord. Donc, j'ai amené mon appareil. D'accord, OK. Moi, c'est un Nikon. OK. Et j'ai un site de photos que j'ai appelé Nikon Nisumi. Parfois la nuit, que je me réveille ailleurs, j'ouvre la porte.

fin nous justifie les moyens. Tu ne peux pas tout avoir. Encore une lettre à Tangerine pendant que la nuit chemine et que ressortent les grands maigres et les jeunes filles en farine. Mon Dieu que j'ai peur à présent, se dit soudain le prisonnier enfermé. Prescrivez-moi d'autres pilules avant qu'arrive une autre nuit. Rien pour mon mal n'existe plus qu'on puisse trouver en pharmacie. Il faut que tu te qu'on puisse trouver en pharmacie. Tout de suite, aucune considération. Quand les anges se délaissent, c'est toujours à cause de l'hiver. J'ai attendu une demi-heure. Le froid endurcit les cœurs au moment où viennent les courants d'air. Je ne savais plus où me mettre. Quand les anges deviennent soudain des statues de pierre. À quoi bon les billes en verre quand les anges se remettent au vert? Tu n'as aucune espèce d'idée de la ce que je vis. Du lendemain ne nous fasse jamais incertain pour avoir nos pieds et nos mains à la face bandée de chemin. Rien ne sert de courir à point, de se faire ennemi des chiens. Compagnons de bonne fortune, il faudra se mettre à la lune. Tu ne peux pas. This was a song of Pablo Ruiz just before he died. Happy hippie, yeah. Another, please. I was like really in love with this one, but I can do it better. Un bandit pleurait un soir. Sa copine. J'aimais tellement tes beaux yeux. est un appareil manuel automatique. D'accord. Les deux. Donc, on va prendre quelques photos si ça ne dérange pas. Là, comme ça. Oh oui, bah oui. Non, tu veux pas? Je peux me mettre là, là? Ici. Comme ça, ici. T'es prêt? Je me mets où? Ah, ici, comme ça, tu restes là. Ah d'accord, ok. Ah oui. C'est pas compliqué, moi, c'est jamais compliqué. Quand c'est compliqué, c'est là que le problème arrive. D'accord, allez, ok. On y va? Nickel. C'est bon. Là, ça se peut que ça parte pas parce que... Est-ce qu'il est ouvert? Là, il y a la question. Ah, ok, il est ouvert, ça va. Okay, on va en prendre quelques-unes, puis on va voir que puis je ferai un montage et je vais choisir ce qui est. Ouais, tu fais toi. Mais non, mais toi, t'as vu les photos que je faisais? Oui. Ok, tu sais de quoi ça va. Ok, une avant-dernière? Une dernière? Ok, parfait. Merci. Je crois que ça reflète bien notre instant. Ben oui. Ben oui, exactement. Je suis content de t'avoir vu parce que je craignais que ça se produise pas, cette rencontre-là. C'est moi qui te donnais ce sentiment-là? Ben, c'est parce que je t'envoyais des messages et tu répondais pas. J'ai dit peut-être qu'il est pris dans une autre création. Tu m'as envoyé hier, en fait, le message. Hier, oui. Ouais, et hier, je l'ai eu que ce matin. Et, ouais, et en fait, en tout cas, je peux vraiment te dire quelque chose. Je suis vraiment très, très heureux d'avoir fait ta connaissance. Merci pour ce moment. Moi aussi. Et puis, nous sommes sur la Terre, mais à des opposés, à des... Et j'adore en plus le fait de... Tu vois, quand je me suis levé, que j'ai vu les messages, ce matin, je me suis dit, putain, j'y vais. Je m'habille, tac, je fais mon truc. Début? Tu voulais pas au début? Mais si, je voulais. Okay, okay. J'avais juste omis, je te dis la vérité, quoi. Okay, j'avais omis la date parce que je t'assure que... Non, mais toi, t'es dans le présent, alors donc tu peux pas planifier. Je suis dans le présent et surtout en ce moment, je suis dans le flip du lendemain. Okay. Je suis exactement dans ce flip-là. Okay. Donc, tu as eu l'interview vraiment en temps réel. C'est bien. Et voilà, je suis dans ce flip-là, quoi. Mais par contre, ça reste toujours un flux constructeur. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que qu'on le veuille ou non, on est à vif. Comme on est à vif, on ressent les choses aussi plus à vif. Et moi, j'ai tendance déjà à les ressentir. Mon hémisphère droit, il ressent beaucoup de choses. Tu vois? Et je pense que d'hémisphère droit à hémisphère droit, là, c'est similaire. Et je vais te prendre en photo, moi aussi. Bah oui, bah écoute, ensemble ou... Non. Ok, comme tu veux, ça me dérange pas. Okay. J'ai envie de te faire rentrer dans ma série. Ok, comme tu veux, voilà. Comme tu veux. Est-ce que tu vas m'envoyer les épreuves ou... Ah oui. Ok, parfait, excellent. Ok. Bien sûr, tu pourras les mettre utiliser sur le site. Ok. Pas de soucis, quoi. Parfait. Tu veux en prendre combien? En règle générale... Une centaine? De toi, hein? Moi, faut pas beaucoup. En règle générale, tu veux que je fasse quelque chose? J'ai vu. Trouve que la première est déjà... Ouais. Voilà, c'est en règle générale le premier. Premier instant. Ah, mais tu sais que j'ai un chapeau. Est-ce que tu veux que je mette le chapeau? Ben, est-ce que tu l'as vu, le chapeau? Mets-toi comme tu es d'habitude. Ok, mets ton chapeau. Je vais mettre un chapeau pour deux personnes. C'est mon chapeau parisien. Je trouve que moi je l'aime parce qu'il n'y a personne qui l'aime. Voilà, il n'y a personne qui aime ce chapeau-là. Voilà. Merci bien, monsieur. Ouais, ça fait plaisir. Et tu m'envoies tout ça. Et moi, je t'envoie aussi notre rencontre sonore. Et dans le cadre de mon émission aussi, parce que c'est l'improvisation. Et toi, tu fais partie du plancher, c'est-à-dire que c'est le cours de mes rencontres parisiennes. Mais mêler tout ça à une grosse improvisation du début qui dure à peu près 25 à 30 minutes. Je pars sur n'importe quel sujet. Ça peut être une mouche. La première mouche du mois de mai, ça a fait une improvisation de 25 minutes. J'avais une mouche dans mon studio d'enregistrement. Donc, les délires partent là. Et ben écoute, ça m'a fait tellement plaisir de te rencontrer. On va se suivre. Je viens à Paris à chaque année. Il faudra se rencontrer à chaque année. On a toujours des choses à se dire. Oui, je suis d'accord avec toi. On est deux semblables. Et franchement, on en enregistre toujours, en fait. Ben oui. Super. Mais franchement, je suis ému. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. Et tu as bien capté. Je pense que... moi je suis plutôt un radical aussi dans les conversations, quoi. J'ai pas vu vraiment tes yeux. Non. Et ça m'a pas embêté, t'as pas vu vraiment mes yeux parce non. que j'étais fatigué, donc ouais, j'ai gardé problème, les yeux. Problème, voilà. Mais en même temps, c'est pas important puisque il y en a qui utilisaient les lunettes fumées comme esthétique. Alain Bachung en était un à la fin de sa vie. On peut pas. Moi, j'ai absolument rien contre que ce soit nuageux ou ensoleillé. J'ai toujours mes lunettes fumées. J'ai pas vraiment rien à cacher, mais j'ai rien à montrer non plus. Et à travers ça, ça fait un rideau qui va m'amener plus loin. Si je les enlève, on dirait qu'il y a trop de contact. Je sais pas si tu as remarqué. Après, je sais pas. Je suis jamais allé à Montréal. Je sais pas la luminosité. Moi, je viens de Québec. Ah, du Québec. Je sais pas la luminosité que vous avez là-bas, mais pour moi, tu vois, cette luminosité, moi qui subis une opération et tout, ça me fracasse la tête. Voilà. J'ai mal à la tête, voilà. Quoi. Donc, c'est l'une des raisons pour. Et ça m'arrive aussi parce que, quand même, dans la photo. Et dans la photo de rue, quand même aussi, on est quand même un petit peu des acteurs. Dans le sens où on est aussi un petit peu obligé de bluffer. Enfin, de bluffer, mais en même temps pas trop, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une certaine présence, à mon sens. Il y a une présence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui savent que je les photographie. Bah oui. D'accord. Et il y a des gens qui ne vont pas, par exemple, me le dire. Et là, tu joues d'une certaine. Tu sais, d'un certain contact. Tu joues un rôle, en fait. Aussi, là. Voilà. C'est l'observeur observé. Et, oui, tout à fait. Et ouais. En même temps, il y a un créateur québécois, un cinéaste qui s'appelle Pierre Perrault, qui est décédé il y a plusieurs années, ben, il y a peut-être 12 ans, 12, 13 ans, et qui faisait du cinéma vérité, comme Piala pouvait en faire, mais lui, c'est qu'il n'avait aucun scénario, il filmait un événement, donc la pêche au marsouin, qui est un genre. Tu connais le marsouin? Qu'est-ce qu'un marsouin? C'est un genre de. Une grosse baleine blanche qui s'éteint tranquillement au Québec. Et il l'a voulu recréer parce qu'on ne fait plus la pêche au marsouin. Donc il a demandé à ceux qui la faisaient, la pêche, de recréer ça. Et lui s'imagine que à planter des caméras, on joue le même rôle, mais c'est pas vrai. Quand tu vois qu'il y a un objectif, qu'il y a quelque chose, c'est plus toi. Tu joues quelque chose. Il faut arrêter de dire, si c'est pas caché, la caméra, ben, on ne peut pas faire autrement que de savoir qu'on est pris en photo. Donc, on va trouver le... Oui, voilà, c'est ça. Tandis que si c'est caché, là, c'est autre chose. Puis là, lui faisait du cinéma filmique. C'est-à-dire qu'il avait peut-être 20% de scénario, le reste est improvisé. Il disait à Sandrine Bonheur, tu vas prendre... Exemple, je sais pas, Gérard Depardieu, par les cheveux, tu vas le traîner. Il ne savait pas. Là, tu es un salaud. Bon, il ne sait pas. Donc, il y a une réaction des deux et ça crée un scénario. Ça crée. Comme Claude Lelouch ne dit jamais coupé, il dit action, mais il dit jamais coupé, il dit le plus intéressant, c'est après. Après. Mais tu sais, sur l'imprudence de Bachon, oui. Il a fait appel à beaucoup de musicos différents. Oui. Il me semble qu'au piano, il y avait un pianiste très connu. Et Bachon, à un moment, disait Steve Neave, non, c'était pas ça. Je sais plus. Steve Neave, ou un truc comme ça. C'est un pianiste, lui. Ouais. Je crois que c'est lui. Et il disait, en fait, que il adorait le moment où la chanson se terminait, qu'il avait arrêté de jouer. Enfin, quand il continuait à jouer, il laissait les micros. En fait, et Bachon était le pro pour faire ça, quoi. Et c'est vrai que c'est, tu vois, par exemple, musicalement, nous, quand on bosse ou quand moi je bosse tout seul, il n'y a pas de notion de temps, de timing. En fait, je joue et après, en fait, je trouve la mélodie dessus, tu vois. C'est à dire que faut laisser place à ces moments d'accident. S'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de vie. Quoi. La vie est un accident. Déjà, quoi. Tu sais, que l'on veuille ou non. Notre rencontre a été un accident, c'est-à-dire que je suis allé sur Internet, je t'ai rencontré à travers des amis Facebook, bang, je suis allé voir plus loin, puis j'ai dit, ben, il faut se rencontrer, il faut qu'il se passe quelque chose, parce qu'il faut que je dois proposer cet artiste-là au Québécois, et voilà qui est fait. Eh bien, merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer librement. Ça me fait plaisir et je vais te laisser aller travailler. Ouais, merci. À salut, toi. Mon ami. Je vais payer. D'accord. Ça me fait plaisir. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Nous avons vu l'apparition